Comment être en conformité avec le RGPD, Règlement général de la protection des données? Vous posez cette question ou elle s'impose à vous, vu que ce règlement s'applique à partir du 25 mai, et bien nous allons voir ensemble comment réussir cette conformité. Je m'appelle Franck Parianti, je suis ravi de pouvoir faire ce premier podcast et que vous puissiez m'écouter. N'hésitez pas, ce podcast vous plaît, à le commenter, liker et partager. L'idée de ce podcast, c'est vraiment de pouvoir vous fournir des conseils utiles et pratiques, et puis en contrepartie, avoir des retours de votre part, et vous proposer ensuite des formations et des conseils qui peuvent correspondre à votre attente. On va parler maintenant de ce règlement général qui, en fait, s'applique à toutes les entreprises européennes et les entreprises même mondiales qui ont des clients français. L'objectif, c'est de vraiment de protéger les utilisateurs avec leurs différentes données. C'est quoi leurs données? Ça peut être aussi bien leurs données personnelles, mais aussi l'adresse IP, l'email, tout type de données. Une astuce va être de la portabilité des données. Concrètement, demain, vous lancez un nouveau service comme Spotify ou Deezer. Vous pouvez proposer plutôt à vos clients de pouvoir exporter leurs données et vous allez pouvoir les récupérer. Donc ça a deux avantages. Pour vous, entreprise, de pouvoir, si vos clients souhaitent, vous donner tout l'historique de votre concurrent. Et pour l'utilisateur, surtout, de pouvoir demander à connaître l'historique de tout ce que son service comme Spotify connaît de vous. Et vous avez aussi la possibilité, en tant qu'utilisateur, de demander la suppression des données. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Pour être en fait en conformité, il faut vraiment mettre en place un outil que nous on appelle le registre des données. C'est une sorte de gros fichier qui explique d'où vient vos données, comment elles sont utilisées, qui a accès, comment vous les traitez. Et il y a ce fameux fichier registre qui est à disposition gracieusement. Vous pourrez trouver sur businessdigital.fr/RGPD, ça s'appelle le registre des données. Et gratuitement, vous allez pouvoir le télécharger et l'utiliser. À partir du 25 mai, vous pouvez avoir une amende de 20 millions d'euros si vous ne respectez pas ce RGPD. L'astuce, c'est que vous avez 2 ans pour être en conformité. Donc, dès que vous commencez à utiliser ce fameux registre que je vous parlais, vous pouvez dire, j'ai commencé mon suivi. Alors, ok, je ne suis pas complètement en respect avec ce règlement, mais j'ai commencé ça. La deuxième astuce, c'est d'avoir en interne une personne qui est en fait le garant de la protection des données, ce qu'on appelle un Data Protection Officer ou DPO. Ce DPO va être la personne qui va être l'interlocuteur entre votre entreprise et la CNIL. L'inconvénient, c'est que c'est lui, s'il voit qu'il y a une défaillance de votre entreprise, il doit en tenir informé la CNIL. Donc, c'est un peu dangereux pour les entreprises d'avoir ce type de personne, mais c'est la loi. Et on propose une formation Data Protection Officer qui vous permet en fait d'avoir cette fameuse personne. Donc, ça peut être vous, dirigeant d'entreprise, ou ça peut être une personne qui travaille dans votre entité, et on va lui expliquer comment utiliser ce fameux registre, comment il doit vérifier que les données soient bien protégées. Toutes les entreprises doivent être en conformité et vous pouvez avoir un DPO, on va dire, à temps plein ou partagé avec d'autres personnes ou d'autres entreprises. Et si vous utilisez des données sensibles, vous êtes obligé d'avoir un DPO, Data Protection Officer, à temps plein. Quelles sont ces données sensibles? Ça concerne tout ce qui touche à la religion, syndicat, santé, orientation sexuelle, biométrie, ethnie, opinion publique, philosophique, ou tout ce qui est infraction et condamnation. Donc, si votre entreprise récupère ce type de données, vous êtes obligé d'avoir un Data Protection Officer à temps plein. Les missions de ce DPO, donc, et principalement d'informer l'organisation et vos employés, de veiller au respect du règlement général, d'être, on va dire, le conseiller pour la réalisation, être, comme je vous dis, le point de contact entre la CNIL et vous. Et pour les organismes publics, ça devient obligatoire d'avoir un Data Protection Officer. Ensuite, comment être en conformité avec ce règlement général? il faut que vous puissiez mettre en place des actions prouvées avec une documentation écrite sur la protection des données, ce qu'on appelle en anglais accountability. Il faut que vous puissiez expliquer comment vous l'avez fait pour protéger ces données. Il faut que vous puissiez informer vos utilisateurs des données collectées, ce qui devient très intéressant et important. Si vous avez des vieux fichiers de clients, il faut que vous puissiez leur envoyer un mail en disant « Je vais vous récupérer vos données. Est-ce que vous m'autorisez bien à pouvoir continuer à les exploiter ?» Il faut que vous puissiez mettre en place un formulaire pour que vos fameux clients puissent récupérer leurs données collectées. Il faut bien avoir une demande d'accord écrite pour garder ou supprimer les données de vos clients. Il faut que vous puissiez mettre en place une sécurité des données, qu'elles soient bien conservées avec un traçage des accès à ces données, qui a accès, et que vous puissiez bien tracer ça. Il faut que vous puissiez prouver que vous avez fait une analyse de votre système d'information sur vos données. Il faut que vous puissiez utiliser votre fameux registre de traitement des données. Il faut donc que vous ayez aussi des clauses avec vos sous-traitants qui utilisent les données de vos clients, parce que si un de vos sous-traitants n'utilise pas bien les données de vos clients, donc vos données, et ben vous êtes aussi responsable. Et dès qu'il y a eu éventuellement une violation des données, vous devez obligatoirement tenir informé la CNIL. Donc voilà les différentes actions pour être en conformité. Si c'est pas très clair, ben n'hésitez pas à retourner sur notre site businessdigital.fr/ RGPD, où vous allez pouvoir retrouver ces différentes informations. Il y a aussi d'autres textes fournis par la CNIL qui sont assez précis, où vous allez trouver les liens pour pouvoir y accéder. On fait souvent des conférences en ligne, et donc je vous incite en bas de ce site à vous inscrire pour que vous puissiez recevoir plus d'informations sur le RGPD. On vous envoie ce que nous on appelle le guide de la mise en conformité, et vous pourrez recevoir des invitations pour nos prochaines conférences en ligne qui sont gratuites. N'hésitez pas à nous contacter et je vous le réitère, c'est vraiment très gentil pour ce premier podcast de que vous puissiez mettre un commentaire. Ça nous aide aujourd'hui dans les classements iTunes de mettre un commentaire et de liker, de partager ce podcast afin de nous motiver, continuer à vous donner plus d'informations utiles et pratiques pour vous aider à être en conformité avec ce règlement général de la protection des données et de manière générale pour nos prochains podcasts, à vous aider à développer votre business digital. Je m'appelle Franck Parianti et n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, LinkedIn, Business Digital. Je suis à votre disposition pour plus d'informations. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao.